point de deal vient d'ouvrir. Les premiers clients se pressent déjà. Des jeunes, mais aussi des quinquagénaires, comme ici. Des transactions au beau milieu du quartier en pleine journée. Drogue et argent passent de main en main en moins d'une minute. Et c'est... Plusieurs fois j'allais perdre la vie, une seule fois je verrai la mort. Mec, tu le crois si t'es fait sur sa fille, même si t'es pas d'accord. Trop de haine en moi, je suis apaisé seulement sur mon tapis de prière. Mon ami, c'est la caissière, il en a marre que sa mère nettoie leur poussière. J'avais si au bled et je me garde ici. Que des allers-retours à l'indicie. Plus je grandis, plus je pète les plots comme Jesse. Quand tu les crois seuls, ils font moins les malins. Rembats tes bisous, tes câlins. On crache dans la bouche et j'éteins son palin. Qu'est-ce que veut Haka? Je suis au bel. Y'a Gokali qui répond à l'appel. Qui débloque un calage, te ramasse à la pelle. Nuit blanche au sud, ça enchaîne à être bulle. Je suis en camon, t'as cru que t'allais michetonner. Nique ta mère à la j'suis en bas de la tour. Avant le hlal fait